ce panneau de danger annonce la présence de cassis ou d'odane. Le panonceau qui le complète indique que des obstacles peuvent se rencontrer sur une distance de 600 mètres environ. La signalisation m'indique aussi une limitation de vitesse à 30 km/h étendue à toute la route sur laquelle je circule. Quant à la ligne pointillée, il s'agit d'une ligne de dissuasion qui interdit de dépasser tous les véhicules, sauf ceux qui se déplacent très lentement. Réponse A et C.